L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Un petit peu de gaieté macabre pour ouvrir cette émission ce soir. Soyez les bienvenus, mes petits loups. Vous êtes bien sur Osmose Radio. Vous êtes bien avec Stéphane pour votre playlist Rock and New Wave, comme toutes les semaines, comme chaque mardi soir. Et ce soir, ce sera une émission qui nous emmènera un petit peu dans des contrées exotiques avec le folklore qui va avec, le folklore macabre. Parce que ce week-end, ce grand week-end de Toussaint, samedi, c'était le 2 novembre, c'était le Dia de los Muertos chez les Mexicains. Par conséquent, j'ai envie de consacrer une playlist à ce grand petit pays, ou ce petit grand pays, j'ai envie de dire. Ce soir, voilà, et pour ouvrir avec quelques notes de gaieté macabre, vous disais-je, mi pequeños lobos, mes petits loups, eh bien, on ouvrait avec Los Lobos, justement, le groupe Los Lobos qui reprenait la bamba dans une version un peu plus rock'n'roll, comme l'avait fait Richie Valens dans les années 50. Voilà, et donc on va rester un petit peu dans cet ordre d'idées, hein, les contrées un petit peu exotiques du Mexique, pardon, avec ces fameux folklores qui tournent beaucoup, beaucoup autour du thème de la mort, les calaveras, les petits crânes en sucre, et j'en passe. Et tout le folklore précolombien qui s'est mélangé un petit peu avec la culture contemporaine. Tout ça est encore très présent là-bas. Et ça l'était notamment ce week-end, puisque c'était, je vous le répète, le Dia de los Muertos. Et toute cette influence se ressent dans des groupes non seulement mexicains, mais aussi un petit peu au-delà de la frontière que Trump voudrait rendre imperméable. Et c'est notamment le cas des Américains qui aiment bien considérer le Mexique comme leur baraput et qui descendent un petit peu dans la basse Californie ou du côté de Monterrey, tout ça, pour Monterrey, on peut faire des jeux de mots là-dessus, hein, enterré, monterré, enfin bref, tout ça pour aller faire la fête de l'autre côté de la frontière, prendre de la coke et des putes et de l'alcool, un petit peu comme dans le morceau qu'on va écouter tout de suite, The Coasters Down in Mexico. We'll be right back. On descend se faire un petit week-end du côté de Tijuana, chers amis. Enfin, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'en faire autant récemment, mais toujours est-il que certains Américains, eux, ne s'en privent pas. Un petit peu comme le suggérait ce morceau de The Coasters qu'on écoutait tout de suite, qui nous ramenait aussi dans les années 60-70. C'était Down in Mexico, un titre qui vous aura sans doute rappelé des souvenirs cinématographiques, puisque ça faisait partie de la bande originale du film Death Proof de Quentin Tarantino. Voilà, donc comme je le disais, hein, les Américains aiment bien aller s'encanailler du côté du Mexique. Et du coup, certains ambiances dans la musique américaine s'en ressentent un petit peu, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le prouver lors des dernières playlists que j'avais consacrées au Mexique en général et au Dia de los Muertos en particulier. Si ça vous intéresse, je vous renvoie évidemment vers les podcasts d'Osmose Radio sur le site www.osmose-radio.fr. Vous nous écoutez peut-être, chers amis, ce soir donc pour une playlist rock et new wave avec ce petit parfum de Mexique, de tequila et de choses moins, peut-être un peu plus malhonnêtes qui fleureront bon dans la playlist ce soir, et parce que le Dia de los Muertos est vraiment quelque chose qui ressemblerait à l'Halloween mexicain, j'ai envie de dire. Ce sont vraiment des traditions antiques, très anciennes, et qui se sont vues recouvrir d'un vernis de christianisme. Et tout ça donne un espèce de syncrétisme non seulement religieux, mais culturel, très intéressant. Et pour ma part, je ne me lasse pas de toutes les petites formes artistiques du folklore mexicain, donc les petits crânes en sucre, les bonbons qu'on s'offre lors du 2 novembre, c'est-à-dire le jour des morts, le Dia de los Muertos, qu'on appelle là-bas les calaveras, etc., etc. Donc les maquillage assez courant là-bas de la Katrina, donc c'est cette dame très bien habillée, cette bourgeoise avec une tête de mort, donc c'est un peu le memento mori, hein, le principe du memento mori cher aux Romains. Réfléchis, pense bien au fait que tu as peut-être beaucoup de pognon aujourd'hui, mais demain tu vas mourir. Voilà, et bien tout ça se retrouve aussi outre-Atlantique, dans ce grand petit pays, ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Voilà, et du coup, une diversité culturelle et aussi une diversité musicale, comme on va le voir ce soir ensemble, avec ce groupe américain qu'on écoutait à l'instant, qui reprenait des ambiances mexicaines dans une bande originale de film, dans un titre en tout cas qui avait été repris pour une bande originale de film. C'est aussi le cas notamment du groupe Urge Overkill, qui lui aussi avait fait figurer dans la bande originale d'un film de Quentin Tarantino en 95, c'était Pulp Fiction. Et tout de suite, on écoute un autre titre de ce groupe-là, tout de suite, Tequila Sunday. Yeah! Los Zombies de Tchernobyl. J'adore le nom de ce groupe. À l'instant, c'était des allumés, des agités de Mexico City, district fédéral. Donc, ça veut dire que ça peut être très bien la grande banlieue de Mexico, c'est-à-dire que ça peut être un 50 bornes. Enfin, bref. Toujours est-il que ce groupe venait donc de la capitale de ce pays qui a l'honneur ce soir dans la playlist de l'heure du loup, Los Zombies de Tchernobyl, avec ce titre qu'on écoutait à l'instant, Dulce Katrina. Katrina, c'est ce personnage célèbre du folklore qu'on voit de temps en temps lors des manifestations, des défilés, tout ça, du Dia de los Muertos. C'est en fait un squelette habillé comme une bourgeoise très élégante de la fin du 19e siècle, avec des jolis atours, un beau chapeau, des rubans, tout ça. Et donc, bah, ça rappelle un petit peu rappelle-toi que tu vas mourir, hein, cette fameuse phrase qui tenait au cœur des Romains. Voilà. Et du coup, c'est ainsi que l'on rappelait en tout cas dans ce morceau de punk un petit peu énervé, encore que ce soit pas le pire groupe dans le genre au Mexique. C'est ainsi qu'il le rappelait dans ce titre. Dulce Katrina s'est enchaîné juste avant avec un groupe américain, celui-là, Urge Overkill, avec le titre Tequila Sunday. Voilà. Donc, si vous allez dans un resto prochainement prendre une glace, encore que ce soit plus trop la saison, bah, essayez de demander un sundae aromatisé à la tequila. Allez savoir, vous en trouverez peut-être. C'est tout ce que je vous souhaite. Et on continue dans cette playlist ce soir, chers amis. Je vous disais qu'il y a une diversité musicale au Mexique. Bah, c'est bien la moindre des choses pour un grand pays comme ça. Mais il y a quand même des styles qui sont plus récurrents que d'autres. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Et il y a quand même un fort tropisme pour certains styles en particulier chez les Mexicains. Je ne sais pas, c'est culturel, ça tient peut-être à leur goût du bling-bling sur certains aspects. Parce que bon, il faut reconnaître que quand on pense au Mexique, quand on pense à la musique, le premier truc qui nous vient à l'idée, c'est les orchestres de mariachi. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un peu comme la valse musette chez nous. Pareil, on déteste ou on adore, mais ça fait partie du patrimoine. Là-bas, c'est un petit peu la même chose. Et ils prennent beaucoup, beaucoup de liberté, évidemment, avec ses racines folkloriques musicales. Mais quand même, ils se réapproprient des thèmes, comme on vient d'en avoir un exemple à l'instant. Et je vous disais qu'il y a des styles qui sont plus récurrents que d'autres. C'est notamment le cas du rockabilly. Les Mexicains adorent se coiffer avec la banane, etc., prendre une guitare et faire du bon vieux rock'n'roll qui swing. C'était le cas de Los Lobos tout à l'heure. Et le rockabilly est son pendant un petit peu macabre, le psychobilly. Le psychobilly, donc avec toutes ces histoires de ghouls, de vampires, de sorcières, tout ça, qui est propre au style et que les Mexicains adorent se réapproprier, comme un petit peu le groupe Calavera, qu'on va écouter tout de suite. Calavera, vous savez, c'est les petits crânes en sucre dont je vous parlais tout à l'heure. Et Calavera, tout de suite, qui nous interprète le titre « Sombra ». Voy por la carretera buscando una vida mejor. Suivez-moi. J'ai quelque chose à vous montrer, quelque chose d'unique. Le monde est constitué d'histoires, et toutes ces histoires sont rassemblées ici, dans le livre de la vie. Mais la plus extraordinaire d'entre elles débute le jour des morts. Le jour où les esprits passent d'un monde à l'autre, et où tout peut arriver. À l'instant, un petit extrait de ce très beau film The Book of Life, qui avait été traduit en français par La Légende de Manolo, un beau film d'un grand réalisateur, Guillermo del Toro, donc ce Mexicain qui a révolutionné un petit peu Hollywood depuis une quinzaine d'années. Il fait partie de ces réalisateurs mexicains qui se sont vraiment imposés aux États-Unis grâce à leur talent et pas à leur relation. Je pense à Alfonso Cuarón notamment, ou à Alejandro González Iñárritu et Guillermo del Toro. C'est vraiment ces trois-là, c'est la sainte trinité du nouveau cinéma d'Amérique du Nord, j'ai envie de dire, pour le coup, puisque ce sont des Mexicains qui se sont imposés à Hollywood. Voilà. Et juste avant ça, on écoutait un groupe de rockabilly, vraiment à l'ancienne, Calavera, avec le titre Sombra. Voilà, c'était vraiment un style musical qui est très très présent sur la scène musicale mexicaine. Et du coup, c'était quand même la moindre chose d'y faire honneur ce soir où vous nous rejoignez peut-être dans l'heure du loup, chers amis. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant, d'ailleurs, sur Osmose Radio. Ce soir, c'est une playlist consacrée au Mexique, à l'occasion du Dia de los Muertos qui avait lieu ce week-end. Et du coup, les groupes qui sont à l'honneur ce soir sont des groupes venus de ce petit pays coincé entre l'isthme de Panama et le Rio Grande. Enfin, ça, c'est un point de vue américain, parce que pour ma part, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un petit grand pays, comme le laisse deviner à chaque fois que j'aborde le sujet dans l'heure du loup, les playlists que je vous ramène, les groupes de là-bas. Et du coup, je vous disais, s'il y a des styles qui reviennent un petit peu en particulier sur la scène musicale mexicaine, j'ignore pourquoi, mais donc il y avait le rockabilly, le psychobilly, comme on vient d'en avoir un exemple à l'instant, et il y a aussi, pour des raisons que j'ignore, on a encore des styles plutôt orientés électro-dark, que ce soit musique industrielle, que ce soit gothique avec beaucoup beaucoup de synthé. Il y a vraiment une scène dark intéressante du côté de Mexico, et du coup on va en prendre un autre exemple tout de suite avec un groupe relativement récent. Ils ont sorti ça il y a 3 ou 4 ans, un groupe qui s'appelle Mementut, un groupe qui s'inspire là encore, qui regarde beaucoup beaucoup vers la scène allemande, principalement cette scène musique électronique allemande, très sombre, avec des voix très caverneuses. Enfin bref, vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Et tout de suite, pour vous en faire une idée, je vous propose d'écouter le titre Black God. qu'on parle du Mictlan, il peut être assez intéressant de voir le rapport que les Aztèques avaient avec leurs morts. Pour les Aztèques, il existe plusieurs endroits où les morts peuvent se rendre, selon de la façon par laquelle ils ont péri. Par exemple, les guerriers et sacrifiés montent vers le soleil avant de redescendre 4 ans plus tard, incarnés en colibri, animal associé à Huitzilopochtli, dieu principal des Aztèques. Ceux qui périssent par les eaux ou par la foudre rejoignent le paradis du dieu de la pluie, Tlaloc. En revanche, pour le commun des mortels, c'est au Mictlan que l'on se rend après un voyage difficile de 4 années. Il existe donc chez les Aztèques plusieurs dieux associés à la mort. Alors donc on a le célèbre Mictlan Tec Ecutli, dieu et roi du Mictlan, et sa femme, Micteca Siwalt, déesse du Mictlan et gardienne des eaux des défunts. Et puis on a aussi Xolot, le frère de Quetzalcoatl, qui lui aussi joue un grand rôle depuis qu'il a été sacrifié, puisqu'en fait il permet aux morts de passer dans le Mictlan, et en même temps de retenir les monstres souterrains qui aimeraient remonter à la surface. Le roi du Mictlan est représenté par un squelette maculé de sang, portant autour du cou un collier composé de globes oculaires humains. Ce qui était, pour les Aztèques, un symbole de fertilité et de santé. Sa femme est quant à elle représentée par un corps écorché. Ces deux dieux sont aussi représentés la mâchoire ouverte, car selon les Aztèques, ils mangeaient les étoiles qui disparaissaient à l'horizon. À l'instant, quelques petites notions du panthéon des dieux aztèques. C'est un beau bordel, comme vous avez pu le comprendre. Et puis chez les Scandinaves, il y avait Midgard et Asgard, hein, la terre des hommes, la terre des dieux. Bah, c'est un peu pareil du côté des civilisations précolombiennes, hein, puisque vous avez Aztlan et Mictlan, enfin bref. Et donc là, on venait d'avoir un petit aspect avec ce garçon qui tient la chaîne Nota Bene sur YouTube. Un petit aspect du beau bordel qui était le panthéon antique des dieux aztèques avant la conquête par les Espagnols. Voilà. Eh bien, il y avait pas mal de dieux un peu sombres, hein, qui demandaient des sacrifices humains notamment, pas tant que ça, mais quand même beaucoup trop de toute façon, et bah justement des dieux sombres, Black God, c'était l'objet du morceau qu'on écoutait tout d'abord avec ce titre, avec ce groupe, pardon, Mementut, un groupe de Mexico, un projet musical qui regarde beaucoup vers la scène électro-dark allemande. Alors, à une époque, au 19e siècle, il y a eu un empereur Habsbourg sur le trône de l'Empire du Mexique. Alors, je sais pas si ça a pu les influencer, honnêtement, je crois pas, mais toujours est-il qu'il y a cet aspect-là encore aujourd'hui. Voilà, mes petits loups, on va s'approcher de la fin de l'émission, on va quitter un petit peu les sentiers battus, on va s'éloigner un petit peu de la route, hein, qui nous mène de Tijuana à Mexico. Et bien justement, c'est un petit peu l'objet du morceau du groupe avec lequel on va continuer, The Handsome Family, et tout de suite on écoute le titre Far From Road. Poison creosote. She He's got fasting black lungs made of clove splintered shards. They're the kind that will talk through a wheezing of cars. And I hear him every night in à l'instant, la voix absolument tripante, extraordinaire, intemporelle, j'ai envie de dire, de Cedric Blexger Zavalas, le chanteur du groupe The Mars Volta. Dans ce titre qu'on écoutait tout de suite, The Widow, la veuve, qui est aussi un des personnages du folklore mexicain, avec tous les personnages de femmes et de fantômes qui errent un petit peu dans la lande, dans les cimetières. Et c'est enchaîné juste avant avec un autre groupe, The Handsome Family, le titre Far From Road. Des morceaux pour aller tout doucement vers la fin de l'émission, The Mars Volta, ce groupe qui est basé à El Paso, du coup sur le long de la frontière mexicaine, mais dont les deux protagonistes principaux étaient d'origine mexicaine eux-mêmes, et ça se sent un petit peu dans le côté baroque de leur composition, enfin ça se sentait à l'époque où ils sortaient des albums dans les années 2000, début des années 2010. Voilà, un groupe dont je ne me lasse pas, The Mars Volta. Voilà chers amis, c'était ce soir une playlist consacrée au Dia de los Muertos, et plus généralement au Mexique, à l'occasion de cette fête, ce Halloween mexicain en quelque sorte, qui avait lieu ce week-end du côté de Tijuana, du côté de Los Angeles et peut-être aussi du côté de chez vous. Allez savoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mes petits loups, pour une autre émission de l'Heure du Loup, une autre émission rock et new wave. Et ce soir, comme à notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé, un petit peu décalé par rapport au style qu'on écoutait pendant cette heure ensemble, mais qui restera un petit peu dans le même état d'esprit. Et ce soir, ce sera un groupe de pop britannique, il me semble, mais qui est qui est allé faire un grand détour en quelque sorte dans des horizons musicaux tout à fait différents. C'était le groupe Beirut qui nous gratifiait il y a quelques années sur un album qui s'appelait March of the Zapotec, d'un titre qui s'appelle La Llorona. La Llorona, c'est un de ces fantômes très célèbres au Mexique, une pleureuse en fait qui s'enfuit dès qu'on approche et qui hante les endroits un petit peu désolés, retirés, les cimetières, tout ça, un petit peu comme la Dame Blanche qui est aussi à la source de nombreuses légendes chez nous autres. Voilà mes petits loups, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous laisse avec ce personnage emblématique du folklore mexicain, là encore, La Llorona, tout de suite avec Beirut. Bisous mis pequeños lobos et à bientôt. If you don't